Ouais. Majestic Crow, okay. C'est un air de zoo. Oh oh, oh. Promesse de justice. Ya, okay. Ya, yeah. Ya, yeah. Yeah. Parce que c'est dans nos textes que l'on parle souvent de nos craintes. Parce qu'on est soi-disant dans un pays libre et démocrate. Parce que j'ai un peu peur de la bavure du fonctionnaire. Il me dit écarte les jambes, sa pose préférée, le missionnaire. Parce que c'est mes ancêtres qui ont subi leur coup de fouet. Mes grands-parents ont reconstruit selon leurs souhaits. Parce que t'aimerais que je finisse ma vie à l'usine, à sucer un patron. Moi je préfère serrer sa fille Lucille. Un jour Jean-Marie a frôlé la présidence. Qui a voté pour lui, tu n'auras qu'un long silence. Et soi-disant j'ai une chance immense d'habiter la France et de représenter la délinquance. Parce que chez moi tu passes des vacances de rêve. Et c'est mes petits frères qui bavent devant ton osée. C'est pour les fachos et aussi pour la police. Souviens-toi que des anciens nous avaient promis la justice. Justice, justice pour tous les gâchons. Justice, justice pour tous les enfants. Justice, justice pour aller plus haut. Mais encore combien de temps? Je veux croire en la paix. Quels sont les antidotes? Chine massacre le Tibet, chute, c'est une anecdote. Soudan, son génocide, souvent des guerres civiles, enfants, pas épargnés, enfants qui rêvent d'exil. Elle m'a trompé avec un autre homme, elle est partie, je l'aime. Je suis père de famille, la maladie a emporté la mienne. Et que les grands de ce monde ne ferment plus jamais les yeux. Même juste quelques secondes pour tenter d'y voir mieux. Pour bâtir, j'ai écrit quelques tristes réalités. On a besoin de tomber pour apprendre à se relever. Que les anges et la justice se rencontrent. Pour que les hommes n'écoutent pas ce que la haine raconte. Éduquons nos peuples, construisons la paix. La tolérance a du cœur, fils, je te l'apprendrai. Je te l'apprendrai. Je te l'apprendrai. Je te l'apprendrai. C'est une promesse de justice, justice pour tous les ghettos. Justice, justice pour tous les enfants. Justice, justice pour les de l'avant. Mais encore combien de temps? Hey yo. Un coup de tonnerre Revolution qui reprend le mic. Rapide comme l'éclair, c'est le dancehall qui te met des claques. Pour les sœurs et frères, je suis un pitch, je vais au contact. Beaucoup de misère et beaucoup trop de coups de matraque. Je suis auto microphone, ceci est une musique à l'attaque. Tu prends pour un con, je te réponds, c'est du tac au tac. Logement pour tous, voilà d'abord ma première remarque. Liberté de vivre avant que la populace te craque. Comme un char d'assaut, je foie avant tout ce bonbon flat. C'est du 100%, je te garantis que c'est pas du light. Tu portes un costard, une cravate et mal, je te braque. Dans la tête des ghetto-yo, cette idée fait son combat. Demande pas pourquoi la faute à qui aux politiques. Oublie des promesses une fois qu'ils sont enfin au pouvoir. Toi t'es dans la merde pendant que eux savourent leur victoire. Un monde illusoire entretenu par tous ces bâtards. Il fait noir, y'a plus d'espoir, moi je te dis man c'est pas trop tard. Ouvre les yeux, tiens-toi prêt pour la prochaine bagarre. Dans ma tête j'ai plus de cartouches que Pablo Escobar. J'fais plus de victimes que les apéritifs au Ricard. Yo. Justice, justice pour tous les ghettos. Justice, justice pour tous les enfants. Pull up that.